إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن هذا الدين القويم يقوم على تنقية دين الناس من كل انحراف وضلال وبعد عن الصراط المستقيم وعلى تنقية عقولهم من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان دين ينهض بأهله إلى عالي المقامات فاحمدوا الله على هذا الدين واسألوا الله عز وجل أن يثبتكم عليه إلى الممات ثم اعلموا أن من منة الله علينا بهذا الدين دين الإخلاص والتوحيد دين صفاء العبادة لرب العالمين دين يعلق القلوب بالله وحده سبحانه وتعالى خضوعا له وتذللا طمعا وأملا تعلقا بالله وحده دون ما سواه وإن من شكر الله عز وجل على هذه الهداية لهذا الدين أن يحرص كل فرد من أفراده على الحفاظ عليه وحسن رعايته والبعد كل البعد من كل أمر يذهب أصله أو ينقص كماله أيها المسلمون وإن التوحيد الذي هو أساس هذا الدين يعني إخلاص الأعمال كلها لله فلا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والشفاء والعافية إلا من الله فهو جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي يكشف الكربات ويزيل الشدات لا رب إلا هو ولا خالق إلا إياه ولا معبود بحق سواه Chers musulmans et musulmanes, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour l'ensemble de l'humanité est une religion qui vient purifier et épargner les gens de toute déviation, de tout égarement, de tout ce qui pourrait les dévier du droit chemin. D'épurer leur raison, d'épurer leurs pensées de toutes choses fausses et malsaines, de toutes choses qui n'ont aucun fondement, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une religion qui pousse l'être humain à vouloir accéder aux degrés les plus hauts et ceux qui ont plus de mérite. Il faut donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos pas dans cette religion et de s'accrocher ferme à celle-ci jusqu'à ce que nous parvienne la mort. Sachez que le tawhid, qui est la base de cette religion, consiste à vouer toutes les formes d'adoration à Allah exclusivement. Le seul qui doit être invoqué est Allah. Le seul à qui l'on doit demander le secours est Allah. Le seul à qui l'on demande l'aide, à qui l'on demande la guérison est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, lui seul, qui exauce celui qui est en détresse. Et c'est lui, lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui fait sortir ses serviteurs des situations les plus difficiles. ثم اعلموا أن مما ينقص هذا التوحيد ولربما كان مذهبا لأصله مبطلا له التعلق بالخيوط والحروز ونحوها لجلب النفع أو دفع الضر فإن هذا عباد الله من الشرك بالله عز وجل فإن من الشرك بالله تعليق التمائم والحروز والخرز ونحوها لجلب النفع أو دفع الضر والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أيها المسلمون والمسلمات الاعتماد إنما يكون على الله جل وعلا وطلب الشفاء وطلب دفع البلاء إنما يكون من الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا المعطي المانع الخافض الرافع وقد روى الإمام ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذه الحلقة قال هذه من الواهنة والواهنة مرض يصيب العضد فقال صلى الله عليه وسلم انبذها وفي رواية انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له من تعلق أي علقه على نفسه وعلق به قلبه فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه دعا على معلقها بأن لا يتم الله مراده ومن تعلق ودعة والودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرقى أي الرقى الممنوعة المحرمة التي هي تشتمل على دعاء غير الله أو غيرها من الشركيات والتمائم إن الرقى والتمائم والتولة والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. تأملوا أيها المسلمون هذه الأحاديث وأمثالها في السنة، وهذا عباد الله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه لأمة الإسلام لتبقى أمة عزيزة متعلقة بربها معتمدة على خالقها ومولاها، منه وحده تطلب الشفاء وإليه وحده تلتجئ، لا إلى خيوط ولا إلى حروز ولا إلى نحاس ولا إلى حديد من مخلوقات لا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن أن تجلب لغيرها نفعا أو ضرا. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que ce qui vient diminuer le tawhid, voire même venir l'éradiquer à sa base, le fait d'accrocher des ficelles, d'accrocher sur soi des talismans, des amulettes, des coquillages, des coquilles, des perles, dans le but d'attirer le bien vers soi ou de repousser le mal de lui. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que cela fait partie du polythéisme, que celui qui fait cela a alors adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que, c'est-à-dire ses divinités, pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle, c'est-à-dire ses divinités, retenir sa miséricorde, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah? Puis Allah Azza wa Jal dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dit: Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Sachez donc qu'il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut chercher et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on demande la guérison, on la demande à Allah. Et lorsqu'on veut être épargné d'un mal, on demande à Allah azza wa jal de nous épargner celui-ci. Car c'est lui, Allah azza wa jal, qui donne et qui prive. C'est lui qui élève et qui rabaisse, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Majah et l'imam Ahmed rapportent selon Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait un bracelet de cuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que ce bracelet? L'homme a répondu: ceci, ce bracelet m'aide contre al-wahina, contre al-wahina, qui est une maladie qui touche les membres du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: imbidha, retire-la. Et dans une autre version, retire-le. Et dans une autre version, enlève-le. Car il ne fera que te rajouter de la maladie. Et si tu étais amené à mourir alors qu'elle était sur toi, tu ne connaîtras alors jamais la félicité et la réussite. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte selon Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui porte un talisman, qu'Allah ne lui accorde pas ce qu'il veut. Et celui qui accroche une perle ou un coquillage, qu'Allah ne lui accorde pas ce qu'il veut. Dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais en garde ceux qui portent des talismans, que ce soit des ficelles, que ce soit des amulettes, que ce soit des morceaux de cuir ou autres. Celui qui le porte et pour lequel et envers lequel le cœur est attaché, alors Allah ne lui donnera pas ce pourquoi il l'a porté. Beaucoup d'ignorants, malheureusement, portent ce genre de choses en pensant que cela est un porte-bonheur, en pensant que cela les repousse du mal et les préserve des mauvais œils et de toutes sortes de maux. Celui qui porte cela, Allah Azza wa Jalla, ne lui donnera pas ce qu'il espérait de cette chose. De même pour celui qui porte une coquille ou un coquillage. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui porte un talisman a alors commis du polythéisme. Celui qui porte des talismans a alors commis du polythéisme. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les incantations, ar-ruqa, les formules, ici les formules qui sont voulues, ce sont les formules interdites, celles qui comportent des phrases interdites en islam, c'est des phrases qui comportent du polythéisme, qui comportent de l'invocation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comportent des mots et des termes incompris et non connus des gens. At-tama'im, les incantations interdites, les talismans et at-tiwala, qui sont ce genre de choses portées et dans le but, soi-disant, de faire aimer, que la femme soit aimée chez son mari, ou que le mari soit aimé chez sa femme. Ceci est interdit en islam à l'unanimité des savants, et cela est une ressemblance à la sorcellerie, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de polythéisme. Il faut donc méditer ces hadiths et tous les autres hadiths nombreux rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut le bien pour sa communauté afin que la communauté musulmane soit une communauté forte qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul, car c'est Allah son créateur. Et une communauté qui, lorsqu'elle est malade, demande la guérison à Allah et s'en remet et se retourne vers Allah et Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Une communauté qui ne repose pas sur des bouts de ficelle ou sur des talismans ou des amulettes. Une communauté qui ne repose pas sur du cuivre ou du fer, qui sont toutes des créatures d'Allah Azzawajal, qui ne peuvent pour elles-mêmes ni apporter un bien, ni repousser un mal. Comment alors ces choses, ces créatures, peuvent-elles apporter un bien et épargner un mal autrui ? ثم اعلموا أن تعليق هذه الأشياء الخرز والودع والخيوط والحلق وما كان معناها وما كان في معناها لا يخلو معلقها من أحد حالين. أما الحالة الأولى أن يعلقها وهو يعتقد فيها أنها جالبة للشفاء رافعة للبلاء فإن اعتقد ذلك في هذه الأشياء فهذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وهذا باتفاق علماء المسلمين والأدلة على ذلك ظاهرة وقد تقدم الإشارة إلى بعضها. أما الحالة الثانية أن يعلق هذه الأشياء وهو يعتقد أن النافع الضار الجالب المانع المعطي هو الله جل وعلا وإنما يعلق هذه الأشياء ظنا منه أنها وسيلة وسببا للشفاء ففي هذه الحالة عمله هذا من الشرك الأصغر الذي يناقض كمال التوحيد الواجب لأنه من المعلوم بالضرورة أن هذه الأشياء ليست من وسائل الشفاء لا الشرعية ولا القدرية ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحيطة وفي تمام الحذر وفي تمام الرعاية لتوحيده صيانة له من كل ما يخل به أو ينقص تمامه وكماله أو يفسده ويذهبه بالكلية، ولتبقى القلوب متعلقة بربها متوكلة عليه وحده سبحانه وتعالى لا إلى سواه. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أوتي إليه بمريض قال ورقاه عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que de porter ces choses, c'est-à-dire ces amulettes, ces fils, ces morceaux de fil, ces coquillages, ces perles, ces bracelets, et tout ce qui sont dans le même sens, que celui qui les porte tombe dans l'un des deux cas suivants. Le premier cas, soit cette personne qui porte ces choses pense que ce sont ces choses elles-mêmes qui apportent la guérison et qui épargnent du mal. Celui qui croit cela, celui qui croit que ce sont les choses qu'il porte qui lui accordent la guérison et l'épargne du mal, ceci, écoutez bien, chers musulmans et musulmanes, et du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam, et ceci à l'unanimité des savants musulmans. Celui qui croit, qui a cette croyance, sort de l'islam. Il doit obligatoirement rentrer une nouvelle fois en islam en proclamant les deux attestations. Et les preuves de cela sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons cité certaines de ces preuves. Le deuxième cas, celui qui porte ces choses, en pensant que celui qui apporte le bien, que celui qui épargne du mal, que celui qui donne et que celui qui prive est Allah, et Allah seul, mais considère ces choses comme des causes et des moyens qui lui permettent d'acquérir et d'avoir la guérison, alors ceci est considéré comme du petit polythéisme qui vient contredire la croyance véridique. Et il est connu en islam que ces moyens ne sont en aucun cas légiférés, que ces moyens ne sont en aucun cas des moyens de guérison. Et le fait de dire que cela est du petit polythéisme ne rabaisse pas l'importance et la gravité de ce péché. Car les savants ont donné les degrés de gravité des péchés. À leur tête, le grand polythéisme, puis le petit polythéisme, puis l'innovation, puis les grands péchés. Ainsi, le petit polythéisme est plus grave que les grands péchés, comme le fait de tuer, comme le fait de forniquer, comme le fait de voler, etc., etc. Le musulman doit donc être extrêmement vigilant à ces choses, et il doit prendre ses précautions, et doit préserver son tawhid. Il doit le préserver de tout ce qui pourrait le diminuer, voire même de l'éradiquer. Et que nos cœurs soient attachés à Allah Azza wa Jal, et que notre confiance soit placée en Allah subhanahu wa ta'ala seul, et envers personne d'autre. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'on lui apportait une personne malade, il invoquait en disant: ô Seigneur des gens, ô Seigneur des gens, éradique le mal, guéris-le, car c'est toi le guérisseur. Il n'y a point de guérison sans ta guérison, une guérison qui ne laissera plus place à la maladie. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم اعلموا أن مما يلتحق بما سبق من تلك الحروز والتعاليق الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يعلقها بعض الناس اعتقادا فيها أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو تدفع عينا أو نحو ذلك إن مما يلتحق بذلك ما يشاهد في بعض السيارات من تعليق بعض الخرق السوداء أو ما يعلق وهو عبارة عن عين أو ما يسمى بيد فاطمة أو يقال الخمسة ويضعون ذلك في مقدمة السيارة وبعض الأحيان في مؤخراتها ويزعم من يعلقها أنها تقي العين أو تسلم السيارة من الحوادث أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة والظنون الزائفة التي تنشأ عن الجهل بدين الله وعدم البصيرة بهدى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أين عقول هؤلاء؟ ماذا تغني تلك الخرق المعلقة؟ وماذا تغني عن صاحبها أو عن سيارته؟ لا تغني شيئا إن هذا من التعلق بغير الله قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que a le même jugement que de porter des amulettes, des talismans, des coquillages, des perles, des morceaux de cuir ou autres. Toutes ces choses qui sont portées, qui sont illicites. Et malheureusement, ces choses sont données aux enfants afin, soi-disant, de les protéger du mauvais œil, de les protéger de la sorcellerie, de les protéger du diable. Et certains parents, qu'Allah les guide, obligent même leurs enfants à les porter. Wal'iyadu billah. Et ceci est la cause de l'ignorance. L'ignorance qu'ont les musulmans envers le tawhid et l'ignorance qu'ils ont du polythéisme, de cette chose gravissime qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas à celui qui meurt dans cet état. Ont le même jugement que tout ceci, ce qu'accrochent certaines personnes dans leur voiture. Ils accrochent des morceaux de tissu, ils y accrochent des objets qui ont la forme d'un œil, ils y accrochent ce qui est appelé la main de Fatma, soit à l'avant de la voiture, soit à l'arrière de celle-ci. Et ceux qui les accrochent prétendent que ces choses préservent du mauvais œil et que ces choses protègent la voiture et ses occupants d'accidents gravissimes et bien d'autres croyances qui sont fausses et mensongères, qui sont issues de l'ignorance dans la religion d'Allah et de la non-clairvoyance vis-à-vis de la voie dictée par Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Où est la raison de ces personnes? Comment peuvent-ils s'accrocher et s'en remettre à ces morceaux de tissu, à ces morceaux de fer et de ferraille, en dénaissant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le seul à pouvoir les préserver d'un mal? Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'accroche à une chose sera remis à celle-ci. Si tu t'en remets et si tu t'accroches à une créature d'Allah, Allah Azzawajal te laissera toi et cette créature. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te délaisse, et si tu n'es plus sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va te protéger? Tu seras alors la proie de tout mal et de tout ennemi qui voudra ton mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que celui qui accroche un talisman, qu'Allah ne lui accorde pas ce qu'il voulait en portant celle-ci. Ayyuhal muslimoun, الواجب على أصحاب تلك السيارات أن يتقوا الله عز وجل بالحذر من مخالفة دينه ومن مباينة التوحيد والواجب على أصحاب تلك السيارات أن يزيلوا أمثال هذه التعاليق التي لا فائدة فيها إلا الإضرار بالدين والإخلال بالمعتقد. Il est donc du devoir et il est obligatoire à tous les propriétaires de ces voitures dans lesquelles sont suspendues toutes ces choses de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre garde à ne pas sombrer dans ce qui contredit la religion d'Allah et en ce qui contredit l'unicité d'Allah. Il est de leur devoir de retirer toutes ces choses de leur voiture, des choses qui ne leur apporteront aucun bénéfice. Bien au contraire, cela portera préjudice à leur religion et risque de porter un coup fatal à leur croyance. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى ذلك وأن يوفقنا لاتباع سنة رسوله وأن يجنبنا كل أمر يخالف التوحيد والاعتقاد الخالص ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتمدين عليه حقا ومن المتوكلين عليه صدقا وأن لا يكلنا إلا إليه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.